Donc, bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes chers amis. Et on continue ce matin l'étude de l'Épître aux Galates, cette merveilleuse épître que Dieu nous a donnée pour nous aider à garder l'Évangile tel que reçu par notre Père céleste et notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, on a un texte ce matin qui est sévère, qui est... L'apôtre Paul va parler de condamnation, d'excommunication. Il va parler d'anathème, de malédiction. On te demanderait, Seigneur, que tu nous aides à comprendre. Parce qu'on ne voudrait pas dire à quelqu'un qui est anathème quand il ne l'est pas. On ne voudrait pas excommunier quelqu'un quand ce n'est pas ce que tu nous demandes. Dirige-nous, Seigneur. Conduis-nous afin qu'on puisse glorifier ton Saint-Nom. Amen. On a vu depuis quelques jours que cette épître a été écrite. Il faut se le rappeler. Chaque texte qu'on va lire, il faut se le rappeler. Cette épître est écrite par Paul à des gens qui est en train de s'éloigner, qui est en danger d'être traité d'anathème, comme on va voir ce matin. Qui sont prêts de s'éloigner de la vérité à un point qu'ils vont perdre. Paul va dire, j'ai travaillé pour rien. Christ vous sert à rien. Il faut que je me rappelle ça quand je lis l'Épître aux Galates, afin de pouvoir bien comprendre cette épître. On a vu ensemble que l'apôtre Paul a l'autorité pour le faire, parce que lui est envoyé, est un apôtre de Jésus-Christ. Il est envoyé par Dieu. Il n'a pas été envoyé par les hommes, il n'a pas été envoyé par des hommes, ou par un homme, ou de la part des hommes. Comme Paul, des fois, envoyait Timothée parler à des églises. Non, il dit, moi, j'étais envoyé par Jésus lui-même, comme les 12. J'ai pas plus d'autorité, puis j'ai pas moins d'autorité que les 12. Paul dit, je n'ai pas, même si les apôtres vont dans une direction qui est contraire à ce que Jésus m'a dit, je vais continuer. Je suis légal, parce que j'ai été envoyé par Jésus, j'ai la même autorité que ceux que Jésus a envoyés. On a vu ensemble qu'il dit la raison de notre salut, que c'est de nous arracher du siècle présent, qui ne veut pas la gloire de Dieu, qui ne recherche pas la gloire de Dieu, qui ne fait pas la gloire de Dieu. Et maintenant, nous, dans ce monde, nous servons à la gloire de Dieu. Nous sommes même la gloire de Dieu. L'Église, c'est la gloire de Christ. C'est la gloire de Dieu. Quand tu regardes l'Église, c'est la gloire. Des fois, il y a des gens qui parlent de l'Église, puis je trouve ça triste, parce qu'on parle de l'Église comme étant des gens qui fonctionnent plus, sont froids, sont quasiment morts spirituellement, sont dans le sommeil, il y a plus de... Moi, quand j'entends ça, faut réveiller l'Église! L'Église adore pas. L'Église adore pas. T'es en train de dire que Jésus laisse son Église s'endormir, que le berger prend plus soin de son troupeau. Mais voyons donc. J'ai été arraché au siècle présent pour la gloire de Dieu. Et je crois que l'Église fait la gloire de Dieu aujourd'hui. L'Église qui proclame l'Évangile de Christ tel que reçu dans les Écritures pour nous autres aujourd'hui, fait la gloire de Dieu. Fait la gloire de Dieu. OK? Donc ce matin, nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Et on va ensuite ça prendre quelques minutes pour les méditer. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc, anathème, hein? Qu'est-ce qui peut faire de moi quelqu'un qui est anathème? Le mot anathème veut dire excommunié, renvoyé, chassé, poussé hors. L'Église, c'est l'Ecclésia, c'est le rassemblement de. D'être un anathème, c'est d'être chassé de cela, c'est d'être renvoyé, c'est d'être excommunié. Qu'il soit anathème, qu'il soit sous la malédiction de Dieu. Et la malédiction de Dieu, c'est quoi? C'est d'être en dehors de son corps. Ce n'est pas être sauvé, ce n'est pas être purifié. Qui me sépare de lui pour toujours. Donc, il dit, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui fait que je deviens un anathème? Ou que je pourrais devenir un anathème? Tu crois-tu que tu pourrais le devenir? Peut-être que les Galatiens ont pensé pendant longtemps qu'ils ne pourraient jamais l'être. Mais ici, Paul dit que des gens qui se sont déclarés chrétiens pendant des années pourraient devenir un anathème. Comment? C'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. C'est ce que Paul les met en garde. Ne devenez pas des anathèmes. Ne soyez pas des anathèmes. Il dit au verset 6, « Je m'étonne, je suis surpris, je suis bouleversé, je suis étonné que vous vous détourniez promptement, si promptement. » De quoi est-ce qu'il se détourne? De quoi est-ce qu'il se détourne? Est-ce qu'il parle ici que ceux qui se détournent d'une église locale sont anathèmes? Ceux qui se détournent de leur conjoint est un anathème. Ceux qui se détournent des commandements de Dieu et qui les mettent plus en pratique sont des anathèmes. Ceux qui quittent une association sont des anathèmes. Ben non, ben non, ben non. Il dit, ceux qui sont des anathèmes, c'est ceux qui se détournent de celui, d'une personne. C'est de quelqu'un qui se détourne d'une personne. Quelle personne? Celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous passer à un autre évangile. Il y a des débats ici. Il y en a qui parlent que c'est Paul qui dit, vous vous êtes détourné de moi, qui vous est annoncé, qui vous a appelé par la grâce de Christ. Non, je crois qu'il parle de Dieu ici. Tu t'es détourné de Dieu qui vous a appelé, qui vous a appelé par la grâce de Christ. Ici, ce qui fait de moi un excommunié ou un anathème, c'est quand je me détourne de Dieu. Je me détourne pas d'un mouvement, je me détourne pas d'une personne humaine, je me détourne pas de commandement, d'association, de ma épouse, de mon conjoint. Non, il dit, celui qui est un anathème, c'est celui qui se détourne de celui qui l'a appelé par la grâce de Jésus-Christ. Qui se détourne de Dieu. C'est ça qu'il faut se rappeler. Ici, dans notre texte, dans l'Épître aux Galates, on parle de ceux qui veulent se détourner de Dieu. Et de ceux qui se détournent si promptement, vous êtes en train de vous détourner de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, qui vous a arraché au siècle présent. Vous êtes en train de vous détourner de lui. Quand est-ce que je vais m'apercevoir que je me détourne de Dieu? Quand est-ce que je vais savoir que je me suis détourné ou l'église dans laquelle je suis s'est détournée? Ou le pasteur qui m'enseigne s'est détourné. Comment je vais savoir que je me détourne de celui qui m'a appelé? verset 7, verset 6, pour passer à un autre évangile. Vous allez savoir que vous vous détournez de Dieu quand vous passez à un autre évangile. Quand vous écoutez des gens, verset 7, non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens. Quand vous écoutez des gens qui veulent vous écarter, qui veulent altérer, qui veulent changer, qui veulent pervertir, qui veulent renverser l'évangile. Il dit, quand vous décidez de suivre un homme, une église, un mouvement quelconque, qui se détourne de l'évangile, qui vous présente un autre évangile, là vous savez que vous êtes détourné de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu. Là vous savez, je me suis détourné de celui qui m'avait arraché à ce siècle présent. Oh! Ça, c'est pas pardonnable. Ça, là, Dieu accepte pas ça, là. C'est pas une petite claque ses fesses, là. Hein? Il dit, dites-lui à ceux qui font ça, et à ceux qui suivent ceux qui font ça, qu'ils sont anathèmes, que vous allez les excommunier, que Dieu lui-même les excommunie, que Jésus-Christ lui-même les chasse, qu'ils ne font plus partie de son peuple. L'apôtre Paul est tellement convaincu que ce qu'il a annoncé comme évangile, ce que les apôtres prêchaient comme évangile, ce que nous avons aujourd'hui dans les Écritures, il est tellement certain que c'est la vérité qui vient de Dieu lui-même, qu'il dit, si un jour, verset 8, si un jour, moi-même, nous-mêmes, ça veut dire que lui avec ceux qui l'ont annoncé, c'est nous-mêmes, ou un ange, viendrait vous annoncer un autre évangile. Si dans ma folie, dans ma vieillesse, dans mon Alzheimer, je change l'évangile, ne m'écoutez pas. Poussez-moi de côté un peu. Renvoyez-moi. Chassez-moi. Parce que si vous m'écoutez, vous allez vous détourner de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu. Il dit, peu importe, on en a vu dans l'histoire de l'Église, qui ont prêché l'Évangile selon les Écritures pendant un temps, et tranquillement, ils se sont éloignés. Et certains ont suivi, d'autres ont rejeté, puis ont parti d'autres choses aux côtés. Il y a des mouvements d'Église qui ont longtemps prêché l'Évangile. Il y a des mouvements qui ont commencé dans le temps de la Réforme, qui prêchaient l'Évangile. On lit les livres qui ont été écrits dans ces années-là par ces églises-là, par ces dirigeants-là, qui étaient très évangéliques. Et 50 ans, 75 ans, 100 ans, ces églises-là sont devenues libérales. Ils ont complètement quitté la voie de la vérité. Ils ont abandonné, se sont détournés de celui qui les avait appelés. Un peu comme le forgeron que Paul il dit, il a quitté celui qui l'avait appelé, qui l'avait arraché au siècle présent. Il dit, par amour pour le siècle présent, il est tourné dedans. Même vérité ici. Il dit, faites attention. Il dit, même si ce serait moi-même, Timothée, Apollos, quelqu'un qui dirait venir de moi, ne les écoutez pas. Si quelqu'un vous dit qu'il vient de la part des apôtres, ne l'écoutez pas. Ces gens-là vous troublent. Ils vous troublent. Savez-vous qu'est-ce qui trouble? C'est pas le péché qui trouble. Parce que si je comprends bien l'Évangile, je suis pas troublé par mes péchés. Je peux pas dire que je suis heureux dans mes péchés, mais je suis pas troublé par mes péchés. Mais ce qui trouble, c'est un autre évangile. C'est quand on commence à changer l'évangile. Il faut, Paul dit, qu'ils soient anathèmes, ces gens-là, qu'ils soient excommuniés, chassés, renvoyé, expulsé. Vous savez, mes frères et sœurs, des fois, vous ne pouvez pas les chasser. Des fois, c'est vous qui allez devoir prendre la décision de vous retirer. C'est vous qui allez être obligé. Si le groupe, les gens, celui qui vous enseigne, vous apercevez qu'il s'éloigne, se détourne de celui qui nous avait appelés, qui nous avait sauvés, qui nous a régénérés, il va falloir que vous décidiez, après leur avoir parlé, s'ils ne veulent pas changer, de quitter. Et d'aller vous joindre à quelque chose d'autre qui enseigne la vérité. Oh, mes frères, mes sœurs, agissez avec vos convictions. Selon ce que vous comprenez, le mieux que vous comprenez. Cherchez conseil. Allez voir d'autres, posez des questions à d'autres enseignants. C'est-tu ça? C'est-tu vraiment la Bible, ça? C'est-tu vraiment ça que Dieu nous a enseigné? C'est-tu vraiment ça, l'évangile prêché par Paul? Presque à chaque église avec laquelle j'ai travaillé, quand je partais, je leur disais, n'ayez jamais peur de remettre en question ce que je vous ai dit. L'homme est faillible. Réévaluez toujours ce que j'ai dit. Recherchez toujours à enlever ce qui n'est pas de Dieu et garder seulement ce qui est de Dieu. Comme Paul disait aux Thessaloniciens, ce qui n'est pas de Dieu, rejetez-le, mais gardez ce qui vient de Dieu. L'évangile transmis une fois pour toutes par les apôtres et par Paul. Et il dit au verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Attention ici, il n'est pas en train de me dire que je ne peux pas plaire à ma femme ou à mon conjoint pour différentes choses dans ma vie. Je peux pas en train de dire que je ne peux pas plaire à mon boss qui n'est pas un chrétien puis lui faire plaisir. C'est pas ça qu'on parle ici. Si je veux plaire aux hommes au point que je suis prêt à changer l'évangile ou à accepter un autre évangile, si pour ne pas être rejeté par les gens qui me côtoient, qui m'entourent, je ferme ma trappe, je dis pas un mot, je vois bien que ça n'a pas d'allure, mais je me tais, je me résigne, je ne suis pas un serviteur de Jésus-Christ. Oh, tu peux leur dire, oh, je suis conscient qu'il y en a qui n'ont pas la capacité, n'ont pas le verbe pour défendre la théologie. Mais vous allez leur dire que vous n'êtes pas d'accord, juste en partant des fois. Vous êtes mieux de partir, même si vous n'avez pas la capacité, le courage, ou la force, ou la connaissance pour leur débattre avec eux autres. Quittez. Ça va être une façon de leur dire, je suis pas d'accord avec ce que tu enseignes. Je suis pas d'accord avec la façon que tu enseignes l'Évangile. Je suis pas d'accord avec ta perception de l'Évangile. Je me retire. Faisons attention. On ne partira pas parce que les bains sont pas en bonne place, puis les chaises sont pas de la bonne couleur, puis j'aime pas la cravate du pasteur, le pasteur, il n'est pas gentil, il ne me parle jamais. Attention, attention, attention! Parce que la plupart du temps, ce que j'ai vu, c'est que les gens partent parce qu'ils n'aiment pas les gens dans l'église. Ça, c'est une autre histoire complètement. Mais quand c'est doctrinal, quand, selon ma compréhension des Écritures, que j'ai médité, que j'ai entendu ailleurs, que j'ai cherché ailleurs, je viens à la conviction que c'est pas ça, l'Évangile, je dois confronter ou je dois quitter. Ou les deux. Mais je dois agir. Sans ça, je ne serai pas un serviteur de Jésus-Christ. Notre bon Père du ciel, nous voulons être tes serviteurs. Nous sommes tes serviteurs. Nous voulons rester tes serviteurs. Seigneur, être approuvé de toi est plus important pour nous que d'être approuvé ou accepté des hommes. Seigneur, donne-nous la force, le courage, la sagesse, l'intelligence de discerner ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, donne-nous la grâce de jamais se détourner de toi pour plaire à des hommes. Sans ça, nous sommes des anathèmes. Nous faisons plus partie de ton corps. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.